ASMR beat making. J'suis dans le S en balmain, bitch rien que sa guette, ils veulent faire mon pain. Baby me parle en latin, j'la trouve le beau habile de ses mains. Je m'éloigne du ghetto, j'suis DZ ma chérie, j'suis pas latino. Toute l'année j'étais au Fontel, et j'veux que l'oseille m'appelle comme Laurent Bouno. Bang bang bang, j'ai tiré sur son cœur, ouais bang bang bang. J'suis dans un Del, flashé sur le périph', porte la chapelle. J'fume dans mon bain, cigare cubain. Chérie, j'te prends la main, j'ai mon pilon monté toute la night. J'compte les billets, Farahani a le compte, donc j'ai caché toute ma maille. Toto, fais pas la mala, Audi dans le gage. Bébé, j'reviens, y'a des chouves dans les parages. J'les fuck tous au passage, ouais, mon passé. Patient, ils m'ont poncé, perso comme un passeur. Faut j'retourne à la mosquée, mes péchés prennent de l'ampleur, ouais. Bang bang bang, j'ai tiré sur son cœur, ouais bang bang bang. J'suis dans un Del, flashé sur le périph', porte la chapelle. J'fume dans mon bain, cigare cubain. J'te promets rien, pas de lendemain. Elle me fait des bisous dans le Viano. J'lui jette du bif comme Al Pacino. J'étale mon bif comme Al Pacino.